Voici Marc-André Pelletier. À 6h29, moins 16 degrés centre-ville, Trois-Rivières. Et à ce moment-ci de l'émission, on vous présente Mathieu Libre, qui sera en liberté technologique aujourd'hui. Veux-tu une intro? Parce que j'ai une intro. Ouais, ça dérange pas que je t'appelle Catherine, par contre, dans l'intro? Non, non, c'est okay. Bon. Catherine le matin. Mauricie. Que la Mauricie se lève. Mathieu. Voici Raphaël Libre. Mauvais doublage. Ouais, c'est ça. Il aurait fallu que je l'arrête. Hein, c'est... Bref, aujourd'hui, on parle de technologie. Un petit top des nouvelles technologiques de l'année, selon les standards de moi-même, évidemment, et du monde entier, je pense. On va commencer avec des nouvelles de jeux vidéo, un peu. Oui, OK. Avec la grosse affaire de Fortnite. Mais ça, c'est quoi? Hein? Parce que, écoute, je pose ça à la fin de 2018. Vous allez me dire que j'en ai manqué toute une partie. Là. En retard un peu. Mais, je suis encore pas tellement gamer, mais quand je joue, c'est hockey, football, baseball. Ah là, oui? Donc, si tu pouvais éclairer les auditeurs, ce serait bien. Moi, c'est des jeux de Mario, d'habitude. Tu sais, c'est je porte des chandails de Mario tout le temps. Bref, c'est le jeu qui a fait 2018 pas mal par la compagnie Epic Games, basée en Caroline du Nord. C'est un match à la mort à 100 joueurs. Ils ont gagné le prix Breakthrough Game of the Year. Donc, c'est le jeu qui s'est le plus démarqué pendant l'année au eSports Award. Il y a même des joueurs de Fortnite qui sont devenus des vedettes comme Tyler Ninja Blevins qui a été nommé streamer et personnalité de l'année. Oui. Donc Fortnite, ça se passe sur une île où les joueurs ramassent des armes, se construisent des abris et puis après ça, ben, se chassent les uns les autres. Hein? Et puis ils ont des petites mises à jour dans ce jeu-là, une fois de temps en temps, qu'on appelle des saisons. Ça a attiré la critique, bien sûr, parce que ça rend les enfants un petit peu accros avec, disons, pas mal de violence, un petit peu de dessin animé. Les gens, entre guillemets, saignent des chiffres qui représentent le dommage qu'ils ont reçu quand ils se font frapper. Et la prochaine itération du jeu comprend un mode créatif qui va permettre aux joueurs de construire leurs propres îles. Donc, ça va pas ralentir la popularité du jeu. Ça va même aller encore plus fort en 2019. On est loin de Pokémon Go. Un petit peu, oui. C'est pas dans le même genre du tout. Autre chose qui a été populaire en technologie cette année, c'est le 5G. C'est pas encore tout à fait rendu super populaire, mais quand même, l'anticipation est là. Ça devrait sortir vraiment comme il faut en 2019, se rendre à son summum, si on veut. Donc, il y a plein d'articles qui sont sortis sur pourquoi est-ce qu'on devrait vouloir le 5G, pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas vouloir le 5G, et peut-être quel téléphone vous pourriez un jour acheter avec le 5G dessus. Bien sûr, il y a Facebook qui a perdu la face en 2018. Oh là là! Pas le choix d'en parler. Plusieurs fois même. Hein? Oui, ben plusieurs fois dans l'année, dont récemment, après qu'on ait appris que Facebook donnait nos données à Spotify et autres. Mais en mars, la nouvelle est sortie où 100 millions d'utilisateurs de Facebook, leurs données avaient été mal gérées par la compagnie Cambridge Analytica, qui est une firme de consultation politique qui avait des liens avec la campagne présidentielle de Donald Trump. Le directeur général, le PDG, le truc Mark Zuckerberg, qui était déjà, bien sûr, dans la controverse par rapport à la Russie et comment Facebook avait été utilisé potentiellement par la Russie pour faire interférence dans les élections américaines. Il a été amené devant le Congrès et tout ça, on s'en rappelle. Donc, grosse année pour Facebook. Et pas dans le bon sens et ça va sûrement empirer en 2019. T'es positif, toi? Ben oui, ben, c'est comme ça. Du côté de Google maintenant, avec l'intelligence artificielle, Google qui a amené son nouveau système Duplex au mois de mai et ça a tout de suite amené la controverse. Est-ce que tu te rappelles de Duplex? C'est quoi ça, non? C'est l'intelligence artificielle qui peut appeler pour prendre un rendez-vous pour toi. Donc, ah oui, appelle dans un restaurant. Oui, et c'est qu'en plus, non seulement c'est de l'intelligence artificielle, c'est pas comme une voix robotisée, là, genre j'aimerais faire une réservation. Ouais. Non, tu sais, c'est vraiment, ça parle normalement et en plus, il y a des E et des A intégrés dans la conversation du robot. Je pensais que tu allais me dire c'est une plantureuse robot. Oui, une robotte. Une robette. Ouais, c'est ça. Comme on appelle. Donc, les gens pensaient que ça allait peut-être être mensonger. Et là, ben, Google a commencé à ajouter le petit message genre bonjour, je suis l'assistant robotisé de Google. J'aimerais se prendre un rendez-vous. Bref, et ça a l'air un petit peu moins mensonger comme ça. Hein? Et puis on continue avec j'en avais une petite dernière, c'est le hack par rapport aux hôtels de Marriott. Oui, écoute, ça en était une bonne aussi parce que ça a frappé plusieurs millions et ça a, honnêtement, ça a pu emmerder beaucoup de gens. Ben c'est ça, les hôtels Marriott n'étaient pas dans le grand plaisir en ce milieu d'année, donc ils se sont fait hacker et puis c'est pas mal ça. Je cherche ma page. Ça veut pas. Les sites interactifs sur les ordinateurs, des fois, ça veut pas. Hein, c'est ça. Ça veut pas. Mais dans tous les cas, ça n'a pas été une réussite là-dessus. Absolument pas. Donc, c'était pas mal les nouvelles qui m'ont marqué, moi, cette année. Toi, est-ce que tu as une application préférée cette année, quelque chose que tu as... Instagram. Ouais, c'est ça. Ben, Instagram, est-ce que tu as vu la nouvelle hier par rapport à Instagram pendant une certaine période de temps? Moi, je pense que c'était l'équivalent de genre 5 minutes. Instagram a amené une nouvelle mise à jour où tu pouvais aller de gauche à droite au lieu de haut en bas. Ah oui? Non, j'ai manqué ça. C'était, pour vrai, je me suis littéralement dit à ce moment-là, bon, ben voilà, c'était la fin d'Instagram. Merci. Oh, la vie défile devant mes yeux. Mais non, j'aime pas ça. Je veux de haut en bas. Il y en a plein d'autres, donc voilà, des nouvelles technologies, mais les plus marquantes, c'était pas mal celles-là, je trouve. Merci, Mathieu. Effectivement, merci. Non, Instagram, parce que, écoute, quand tu voyages, comme je l'ai fait dans la dernière année, c'est un excellent Photoshop. Mm-hmm. Parce que mes qualités en Photoshop laissent à désirer. Oui. Par contre, en Instagram, elles sont supérieures. Ben c'est ça, tu mets n'importe quel filtre et c'est beau. Ouais, ben c'est ça. Généralement, il y a moyen de s'en sortir. Donc, ça, c'est l'un des réseaux sociaux que j'utilise le plus, sans rien dire. Ouais, ben c'est ça, c'est fait pour être regardé. C'est moi, je trouve ça beaucoup plus pertinent que la plupart des choses qu'on poste sur Facebook. Donc. Ah, ben souvent, c'est pas mal ça, surtout quand il est question de troll, mais ça, c'est d'autres choses. Ouais. As-tu vu hier les photos super belles dans le Bronx du panneau électrique ou je sais pas trop quoi qui a explosé à New York et ben ça a fait le ciel bleu? Ça, c'est du Instagram sans même avoir à mettre de filtre. J'aime ça. Mais il y en a toutes sortes, hein, des images comme celle-là de ce temps-là, des espèces de paradis terrestres, là, j'en vois de plus en plus. Je sais pas si c'est une période de l'année où les gens ont besoin de se rappeler que le ciel existe ou que le sud existe aussi, là, mais j'en vois tellement des photos de plages et tout ça, puis de sites vraiment paradisiaques. Puis là, je me dis, voyons, vous l'avez le paradis à l'extérieur. Non, laissez faire. Peut-être pas aujourd'hui, finalement. C'est ça. Le tapis blanc assez épais aujourd'hui. Hein. Assez épais, oui. 6h36, on va s'arrêter. Et au retour, on vous présente une entrevue qui a été réalisée par Robert Pilote avec Richard Lachance, conseiller spécial pour le groupe Cogeco et originaire de Sainte-Anne-de-la-Pérade, qui a bien connu, même très bien connu, Yves Lévesque et apporté un nouveau regard à cette démission d'Yves Lévesque qui a été confirmée hier. Tout ça dans quelques instants au 106.9 Mauricie. Merci d'avoir choisi que la Mauricie se lève pour débuter votre journée.